Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 5, du samedi 22 septembre 1883. Page 3, colonne 4. Nouvelles du Canada. A. Beauchemin, manufacturier du district de Montréal, a été arrêté pour faux et vol. La rentrée des facultés de droit et de médecine de l'Université Laval à Montréal aura lieu mercredi le 8 octobre prochain. L'exposition est ouverte à Toronto depuis le 11 courant. L'inauguration en a été faite par le gouverneur général et la princesse Louise. Dans une rencontre que Joe Beef a eue avec un buffle de son établissement, mardi dernier, il a été maltraité et a reçu des blessures assez graves. John Dollaire, âgé de 17 ans, serfreint sur le chemin de fer Grand Tronc, a eu la main droite écrasée en accouplant des wagons lundi dernier. Une dépêche de Winnipeg annonce que l'honorable M. Cochon, ex-lieutenant-gouverneur, est dangereusement malade. Il a même reçu les derniers sacrements. Le vieil aigle blanc, un sauvage de Caughnawaga, a envoyé son fils, âgé de 13 ans, à un collège de Brentford. Il veut avoir un homme instruit dans sa famille. Les autorités de police de Québec ont été informées que le charretier Paquette, qui s'était sauvé après avoir abusé d'une jeune fille, a été arrêté à Montréal. Les recettes du bazar qui a eu lieu à Charlebourg en faveur de la maison des dames religieuses du Bon Pasteur, établie dans cette paroisse, ont atteint le chiffre de 750 $. On vient de découvrir une source d'eau minérale à l'Épiphanie. Les médecins croient que ces eaux constituent un remède infaillible contre l'indigestion et le rhumatisme. L'Association des filateurs de coton au Canada a décidé de fermer des filatures pendant 2 ou 3 mois pour écouler l'approvisionnement de marchandises actuellement en magasin. La bénédiction de 4 cloches nouvelles a eu lieu à l'église de la Chine dimanche dernier. Sa grandeur, Monseigneur Fabre, officiait, assisté des révérends messieurs F. Perrault comme diacre et Brault comme sous-diacre. Jean-Baptiste Marcellet, âgé de 28 ans, demeurant rue Maisonneuve, Montréal, en déchargeant le steamer Lac Huron, a eu le bras gauche cassé mardi dernier par la chute de quelques briques d'une cuve de déchargement. M. Mercier, chef du Parti libéral de la province de Québec, a intenté 2 procès pour libelle et calomnie, l'un contre la compagnie de la Minerve, l'autre contre M. Mousseau. Dans chaque cause, M. Mercier porte les dommages à 25 000 $. Louis Sougraine, le sauvage accusé d'avoir assassiné sa femme à Bécancour, a été arrêté jeudi de la semaine dernière aux Grondines et se trouve maintenant dans les prisons du Québec. Il y avait déjà 6 mois qu'il parvenait à échapper aux poursuites de la police. Les proclamations pour l'élection dans le comté de Jacques-Cartier viennent d'être publiées. M. le notaire Forêt de la Chine est l'officier rapporteur. La nomination a eu lieu à Sainte-Geneviève mercredi dernier et la votation le 26 ou mercredi prochain. L'exploration des mines de phosphate dans le district de l'Ottawa se fait avec plus de vigueur que jamais. Les prix n'ont pas changé. Le phosphate se vend toujours de 14 à 15 $ le tonneau rendu à la station de chemin de fer du Pacifique canadien. Un nommé John Sullivan, que quelques-uns disent être le grand-père du fameux boxeur américain, a été arrêté la semaine dernière pour coups et blessures. Le père Sullivan, à 84 ans, est encore vert et fortement charpenté. Une jeune fille de 18 ans, nommée Marianne Wilgrant, a soin de lui. Étant sous l'empire d'une violente colère, le vieux mauvais aurait saisi la fille à la gorge, l'aurait frappée à la figure et lui aurait infligé des blessures assez graves. L'affaire a été remise entre les mains du juge de police pour la régler. Le 1er octobre prochain, le nouveau gouverneur du Canada, M. le marquis de Lansdowne, se mettra en route pour son nouveau poste. Le marquis de Lorne et la princesse Louise s'embarqueront sur un des vapeurs de la ligne Allen, aussitôt après l'arrivée du Lord Lansdowne. M. Amable Paquette, sergent de police de Québec, était occupé à goudronner le toit de sa maison, rue Alfred Saint-Sauveur, lundi dernier, lorsque l'échelle sur laquelle il se tenait se rompit soudainement. Paquette tomba lourdement sur le sol et se fit dans sa chute des blessures graves. Nous sommes heureux d'apprendre que M. L. Lesage, député ministre de l'Agriculture, est nommé membre du Conseil d'Agriculture. On ne pouvait faire un meilleur choix. M. Lesage est un agriculteur pratique, possédant de grandes connaissances, ami et bienfaiteur du colon et du cultivateur. Madame Odile Verville, veuve de feu François-Ignace Hamel de Sainte-Gertrude, comté de Nicolette, a été brûlée à mort par le feu qui s'est communiqué à ses habits en allumant son poêle. Ce malheur a causé une grande sensation dans la paroisse de Sainte-Gertrude, où la défunte était généralement estimée. Un nommé Samuel Miller, messager piéton entre le Saut-au-Cochon et Betsiamis, s'est noyé dimanche dernier à environ un mille et demi plus bas que la pointe au Colombier. Il faisait une forte tempête et Miller s'en retourna à Betsiamis. Le corps a été repêché lundi vers un yacht qui passait par là. Madame Johnson, de Hamilton, Ontario, dont le mari a pris la clé des champs il y a quelques semaines, en compagnie d'une femme, Waldman, a entendu dire que les fugitifs étaient à bas flot. Elle n'a pas pris le temps de compter jusqu'à deux et s'est mise en route pour les dépister. Les rattrapera-t-elle? Mademoiselle Rose Delima de Mers, de la Prairie, vient d'intenter une action contre M. François-Xavier Hébert, de Saint-Philippe, réclamant 500 $ de dommages. La plaignante allègue que Hébert lui avait promis le mariage et qu'en conséquence, elle avait fait des dépenses considérables pour s'acheter son trousseau, et il apparaît que maintenant, Hébert refuse de remplir ses engagements. Le Monde, de Paris, publie la note suivante. Nous sommes en mesure d'annoncer que la propagande a informé le révérend père Jacques-Joseph Carberry, de l'Ordre des Frères Prêcheurs, de sa nomination à l'évêché de Hamilton au Canada, province d'Ontario. Ce nouvel évêque, actuellement le compagnon du maître général des révérends pères dominicains, est une illustration de son ordre. Une femme de Saint-Roch, découragée de son mari qui faisait la noce depuis une quinzaine de jours, jeta par la fenêtre le cher flacon de whisky. L'ivrogne, s'en étant aperçu, a assailli sa femme d'une manière brutale, lui lançant un verre en plein visage. La malheureuse est hors de danger, mais elle est horriblement défigurée. L'ivrogne a pris la fuite, car il craint une juste punition. Un jeune homme, du nom de Desjardins, âgé de 24 ans et dont les parents demeurent à Québec, a été tué accidentellement à la station du chemin de fer à Berthier samedi dernier. Le train de Québec étant arrivé à l'heure ordinaire, le jeune Desjardins et un ami descendirent à la station et, pendant qu'ils s'amusaient des folies d'une vieille femme en état d'ivresse, le signal du départ fut donné. Le train était déjà en mouvement quand les deux amis tentèrent de sauter sur les plateformes des wagons. Desjardins eut les deux jambes coupées entièrement, la tête fracassée, et son camarade en fut quitte pour des blessures aux jambes et aux bras. Desjardins est mort à l'instant, et M. le curé de Berthier, mandé en toute hâte, ne trouva plus qu'un cadavre. Le malheureux Desjardins était parti de Québec il y a environ 6 ans,